Monsieur le curé, la paroisse de Camaret, on me dit que j'ai les couilles qui pendent, et je te jure que ça me fout les glands. Les grenouilles de bénitier arrivent plus à me consoler. Pour me mettre le cœur en liesse, il me reste plus que le vin d'Ess. Encore une petite lichette, allez hop, allez hop. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Je suis le chef de gare, je me fais chier dans mon costard. Quand dites-moi que je suis cocu, d'entendre ça j'en ai plein le cul. Regardez les trains passer, ça me fait même plus bander. Pour me réjouir les neurones, il me reste plus que le petit jaune. Encore une petite lichette, allez hop, allez hop. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Je suis la mère Michel, celle qui a perdu son chat. Depuis qu'il s'est fait la belle, je ne sens devenir gaillard. Même le père Lustucru ne m'émoustille plus. Avant qu'on mette au cimetière, il me reste plus que le picombière. Encore une petite lichette, allez hop, allez hop. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Je suis la bonne du curé, de l'autre sous l'eau de Camaret. Depuis qu'il se vint au vin de messe, il me touche même plus les fesses. Ce n'est pas une sinécure d'être employé à la cure. Depuis qu'il se vint au vin de messe, il me touche même plus les fesses. Le soir avec les copines, on se rattrape sur la bibine. Heureusement que le vieux soulard a toujours du bon pinard. Ah bah oui alors. Heureusement que le vieux soulard a toujours du bon pinard. Encore une petite lichette, allez hop, allez hop. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Une petite lichette, allez hop, allez hop. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la. Allez, pour la roue. Oh, bah, je dis pas non. Encore une petite rincette, allez hop, allez hop. La, la, la, la, la, la, la, la.